Jeff vous présente Rendez-vous à la guinguette. Votre émission accordéon. Et oui, le voici, ça y est, c'est parti pour votre rendez-vous accordéon, votre rendez-vous à la guinguette. 2 heures pour écouter tous les sons de l'accordéon, c'est ce qu'on vous propose chaque semaine dans votre radio. Dans la seconde partie de cette émission, eh bien, notre accordéoniste de la semaine que l'on vous présentera sera Michel Lécuyer. Il sera accompagné de tous ses musiciens. Puisque nous allons écouter quelques extraits de son dernier album en date, qui s'appelle « Prends ton accordéon ».« Prends ton accordéon » volume 1, ça laisse présager qu'il y aura d'autres volumes derrière. Ce n'est d'ailleurs pas le premier album de Michel Lécuyer, on en parle tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission. Pour débuter cette émission, je vous propose une samba. Un extrait de l'album Accordéon Virtuose de 1998 de Maurice Larchange. À Maxima Bella Samba. Rendez-vous à la guinguette. We'll be right back. suite, c'est avec Aimable, un classique du genre avec Bésame Mucho, et bien sûr, c'est un boléro. Aimable, un des plus grands accordéonistes français qu'on ne présente plus évidemment, avait une palette musicale extraordinairement importante. Il pouvait très bien passer de Bésame Mucho aux Feuilles Mortes, l'espace d'un claquement de doigts. C'est d'ailleurs ce que l'on va écouter, Les Feuilles Mortes, un morceau composé par Joseph Cosma, le thème instrumental de la partition que Cosma avait composé pour le ballet de Roland Petit, Le Rendez-vous, c'était en 1945. Le Rendez-vous, ça tombe bien d'ailleurs, puisque nous sommes en plein cœur du Rendez-vous à la Guinguette. Aimable. C'est une chanson. Tout doucement, sans faire de bruit. guinguette. Votre émission accordéon. Alors, nous avons voulu faire une petite exception dans cette émission. On écoute quelquefois on l'a entendu en tout cas dans d'autres émissions juste avant, la valse numéro 2 à l'accordéon, notamment par les Royer Brothers. Mais ici, on voulait l'écouter par celui qui l'a, je dirais, repopularisé, en l'occurrence André Rieu. André Rieu, c'est un violoniste évidemment, il a un grand orchestre, mais c'est également un chef d'entreprise, puisque sa société est une société de production. Et elle emploie une centaine de personnes et elle réalise d'ailleurs un chiffre d'affaires annuel de plusieurs dizaines de millions d'euros entre les disques et les tournées confondues, différentes, puisqu'il produit également d'autres artistes. Voici la valse numéro 2 de Kostakovitch par André Rieu. La valse numéro 2, un petit interbète dans cette émission par André Rieu. Nous ne fermons pas tout à fait cette page puisque voici Bertrand Ambert de Vienne à Munich. Thank you. deux virtuoses pour nous, à savoir Éric Bouvel et Jacky Delens, avec un été 42 et La Belle Vie. Rendez-vous à la guinguette avec Jeff. Et on reste un peu dans le domaine, puisque voici Hector Delfos qui nous emmène au cinéma. Et si nous écoutions un nouveau Maurice Larchange, et ben pourquoi pas. L'album s'appelait Golden France Melody, il est sorti en 2008. Voici un Français à Madrid. We'll be right back. rendez-vous à la guinguette. Avec Jeff. Nous parlions tout à l'heure de musique classique. Eh bien, en 1930, Médard Ferrero a été le premier accordéoniste à jouer de la musique classique en soliste. Évidemment, sa technique et sa virtuosité ont été appréciées par les critiques du moment, à tel point que la société de disques lui a fait enregistrer d'autres titres de musique classique. Et ces titres sont devenus des grands classiques du genre, comme Mazurka Fantasy d'ailleurs, qu'on écoute tout de suite. Je ne sais pas si Médard Ferrero a inspiré Richard Galliano. Toujours est-il que celui-ci a commencé la musique à l'âge de 4 ans. C'est son père qui lui a fait découvrir la musique. Il l'a plutôt poussé vers l'accordéon puisqu'il l'aimait, et vers le piano. Richard Galliano a continué à apprendre ensuite ces deux instruments. Il a ensuite découvert le jazz. C'est un peu plus tard qu'il a également commencé à étudier le trombone à coulisses, dont il a obtenu le premier prix d'excellence en 1969. Le voici, Richard Galliano, avec Tango pour Claude. Le dénicheur, tout le monde connaît cette chanson, la musique de Léo Daniderf, voici la version de Tony Murena. Guinguette. Retour à quelque chose de beaucoup plus actuel, on ne peut pas plus actuel, puisque l'album vient de sortir, c'est celui de Bénédicte Gamba, il a pour titre Authentique et bien sûr je vous le conseille, voici tout de suite un cocktail à Cuba. une autre jeune femme à l'accordéon avec tout autant de talent, c'est Christelle Jeanblanc et le Madison Love Story. Et comme on dit jamais 203, voici Karine Fontaine et la Feria Occitane. We'll be right back. rendez-vous. Rendez-vous à la guinguette. Rendez-vous à la guinguette. Avec Jeff. Il était un peu plus avant dans l'émission, Eric Bouvel. Le voici avec son orchestre. On le retrouve à nouveau avec beaucoup de plaisir, j'imagine. Ça s'appelle Passion Interdite. Nous allons terminer cette première heure du rendez-vous à la guinguette avec celui que tout le monde aime, évidemment, l'accordéoniste préféré des Français. J'ai nommé André Verschuren. Ha ha ha!